Et hop, voilà, couper un micro, c'est comme on a déjà dit au revoir à quelqu'un, alors qu'en fait elle est toujours là. Mais on va tout de suite embrayer avec la méditation. J'ai appelé ça méditation intranquille, mais en fait c'est... Est-ce que toi tu as donné un autre nom? Peut-être tu voudrais nous présenter ça. Alors oui, tous les jours à 12h15, vous allez pouvoir retrouver un moment d'improvisation pour lancer cette journée de concert avec du live dès midi, qui sera concocté par un, deux ou trois artistes de la scène locale, parfois à une, deux, trois ou quatre mains et une ou pas de voix. Si toi, cher auditeur X, veux nous rejoindre, viens avec ta flûte, ton synthé, tes textes ou juste tes doigts. Viens. Aujourd'hui, je suis avec le Lyra 8 de Soma Laboratory, un synthétiseur analogique conçu par Vlad Kramer, qui s'appelle The Black Beast. Mon nom d'artiste est Raviferix, et bonne écoute. Yes. Merci. Thank you. Merci beaucoup pour cette méditation sortie des entrailles du soma. On va Merci. Vite vous parler Merci. De... On se revoit demain. Alors. On se revoit demain, oui. On se revoit demain à 12h15. Venez si vous voulez. Voilà. Oui, trop bien. C'est entendu, vous avez entendu. Apportez vos doigts.